Chapitre 49 Des essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1. Chapitre 49 Coutumes anciennes. J'excuserai volontiers en notre peuple de n'avoir autre patron et règle de perfection que ses propres mœurs et usances, car c'est un commun vice, non du vulgaire seulement, mais quasi de tout homme, d'avoir leur visée et leur arrêt sur le train auquel il s'en est. Je suis content quand il verra Fabricius ou Laelius qu'il leur trouve la contenance et le port barbare, puisqu'ils ne sont ni vêtus ni façonnés à notre mode. Mais je me plains de sa particulière indiscrétion de se laisser si fort piper et aveugler à l'autorité de l'usage présent qu'il soit capable de changer d'opinion et d'avis tous les mois s'il plaît à la coutume et qu'il juge si diversement de soi-même. Quand il portait le busc de son pourpoint entre les mamelles, il maintenait, par vive raison, qu'il était en son vrai lieu. Quelques années après, le voilà avalé jusqu'entre les cuisses. Il se moque de son autre usage, le trouve inepte et insupportable. La façon de se vêtir présente lui fait incontinent condamner l'ancienne, d'une résolution si grande et d'un consentement si universel que vous diriez que c'est quelque espèce de manie qui lui tourne boule ainsi l'entendement. Parce que notre changement est si subit et si prompt en cela, que l'invention de tous les tailleurs du monde ne saurait fournir assez de nouveautés, il est force que bien souvent les formes méprisées reviennent en crédit, et celles-là même tombent en mépris tantôt après, et qu'un même jugement prenne, en l'espace de 15 ou 20 ans, 2 ou 3, non diverses seulement, mais contraires opinions, d'une inconstance et légèreté incroyables. Il n'y a si fin entre nous qui ne se laisse embabouiner de cette contradiction et éblouir tant les yeux internes que les externes insensiblement. Je veux ici entasser aucune façon ancienne que j'ai en mémoire, les unes de même les nôtres, les autres différentes, afin qu'ayant en l'imagination cette continuelle variation des choses humaines, nous en ayons le jugement plus éclairci et plus ferme. Ce que nous disons de combattre à l'épée et la cape, il s'usait encore entre les Romains. Se dit César, « Sinistras sagis involvunt, gladios quae distringunt » et remarque dès lors en notre nation ce vice, qui y est encore, d'arrêter les passants que nous rencontrons en chemin et de les forcer de nous dire qui ils sont et de recevoir à injures et occasions de querelles s'ils refusent de nous répondre. Au bain que les anciens prenaient tous les jours avant le repas et les prenaient aussi ordinairement que nous faisons de l'eau à laver les mains, ils ne se lavaient du commencement que les bras et les jambes, mais depuis, et d'une coutume qui a duré plusieurs siècles, et en la plupart des nations du monde, ils se lavaient tout nus d'eau mixtionnée et parfumée, de manière qu'ils employaient pour témoignage de grande simplicité de se laver d'eau simple. Les plus affectés et délicats se parfumaient tout le corps bien 3 ou 4 fois par jour. Ils se faisaient souvent pincer tout le poil, comme les femmes françaises ont pris en usage depuis quelque temps de faire leur front. Quod pectus, quod crura tibi, quod brachia velis, quoiqu'ils eussent des oignements propres à cela. Psilotro nitet, aut acida latet oblita creta. Ils aimaient à se coucher mollement et allèguent pour preuve de patience de coucher sur les matelas. Ils mangeaient couchés sur les lits, à peu près en même assiette que les Turcs de notre temps. Inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto. Éditant du jeune Caton que depuis la bataille de Pharsale, étant entré en deuil du mauvais état des affaires publiques, il mangea toujours assis, prenant un train de vie austère. Il baisait les mains aux grands pour les honorer et caresser, et entre les amis, ils s'entrebaisaient en se saluant, comme font les Vénitiens. Grata tusque darem cum dulcibus oscula verbis. et touché au genou pour requérir et saluer un grand. Pasiclès, le philosophe, frère de Cratès, au lieu de porter la main au genou, la porta au génitoire. Celui à qui il s'adressait, l'ayant rudement repoussé, « Comment, dit-il, cette partie n'est-elle pas votre aussi bien que l'autre ?» Il mangeait comme nous le fruit à l'issue de la table. Il se torchait le cul. Il faut laisser aux femmes cette vaine superstition des paroles avec une éponge. Voilà pourquoi « spongia » est un mot obscène en latin. Et était cette éponge attachée au bout d'un bâton, comme témoigne l'histoire de celui qu'on menait pour être présenté aux bêtes devant le peuple, qui demanda congé d'aller à ses affaires, et n'ayant autre moyen de se tuer, il se fourra ce bâton et éponge dans le gosier, et s'en étouffa. Il s'essuyait les cats de laine parfumée, quand ils en avaient fait. « A tibi nil faciam, set lota mentula lana. » Il y avait au carrefour à Rome des vaisseaux et demi-cuves pour y apprêter à pisser aux passants. Pussi saepe lacum propter, se actolia curta, somno devincti, credunt ex tollere vestem. Il faisait collation entre les repas. Et il y avait en été des vendeurs de neige pour rafraîchir le vin. Et il y en avait qui se servaient de neige en hiver, ne trouvant pas le vin encore lors assez froid. Les grands avaient leurs échansons et tranchants, et leurs folles, pour leur donner du plaisir. On leur servait, en hiver, la viande sur les foyers qui se portaient sur la table, et avaient des cuisines portatives, comme j'en ai vu, dans lesquelles tous leurs services se traînaient après eux. « Has vobis epulas habete lauti, nos offendimur ambulante coina. » Et en été, ils faisaient souvent, en leur salle basse, couler de l'eau fraîche et claire dans des canaux au-dessous d'eux, où il y avait force poissons en vie, que les assistants choisissaient et prenaient en la main pour le faire apprêter chacun à sa poste. Le poisson a toujours eu ce privilège, comme il a encore, que les grands se mêlent de le savoir apprêter. Aussi en est le goût beaucoup plus exquis que de la chair, au moins pour moi. Mais en toutes sortes de magnificences, d'ébauches et d'inventions voluptueuses, de mollesse et de somptuosité, nous faisons à la vérité ce que nous pouvons pour les égaler, car notre volonté est bien aussi gâtée que la leur, mais notre suffisance n'y peut arriver. Nos forces ne sont non plus capables de les joindre en ces parties-là vicieuses qu'aux vertueuses, car les unes et les autres partent d'une vigueur d'esprit qui était sans comparaison plus grande en eux qu'en nous. Et les âmes, à mesure qu'elles sont moins fortes, elles ont d'autant moins de moyens de faire ni fort bien ni fort mal. Le haut bout d'entre eux, c'était le milieu. Le devant et derrière n'avaient, en écrivant et parlant, aucune signification de grandeur, comme ils se voient évidemment par leurs écrits. Ils diront Oppius et César aussi volontiers que César et Oppius, et diront moi et toi indifféremment, comme toi et moi. Voilà pourquoi j'ai autrefois remarqué, en la vie de Flaminius, de Plutarque français, un endroit où il semble que l'auteur, parlant de la jalousie de gloire qui était entre les Étoliens et les Romains pour le gain d'une bataille qu'ils avaient obtenue en commun, fasse quelque poids de ce qu'aux chansons grecques ont nommé les Étoliens avant les Romains, s'il n'y a de l'amphibologie au mot français. Les dames, étant aux étuves, y recevaient quand et quand des hommes, et se servaient là même de leurs valets à les frotter et oindre. Inguina succinctus nigra tibi servus aluta, stat quoties calidis nuda foveris aquis. Elle se saupoudrait de quelque poudre pour réprimer les sueurs. Les anciens Gaulois, dit Sidonius Apollinaris, portaient le poil long par le devant et le derrière de la tête tondue, qui est cette façon qui vient à être renouvelée par l'usage efféminé et lâche de ce siècle. Les Romains payaient ce qui était dû aux bateliers pour leur nolage dès l'entrée du bateau, ce que nous faisons après être rendus à port. Dum es exigitur, dum mula ligatur, tota habet hora. Les femmes couchaient au lit du côté de la ruelle. Voilà pourquoi on appelait César spondam regis Nicomedes. Il prenait haleine en buvant. Il baptisait le vin. quis puer ocius restinguet ardentis falerni, pocula pretereunt lympha. Et ces champis contenance de nos laquais y étaient aussi. O Iane, a tergo quem nulla ciconia pinsit, nec manus auriculas imitata est mobilis albas, nec lingue quantum sitiat canis apula tantum. Les dames argiennes et romaines portaient le deuil blanc, comme les nôtres avaient accoutumé et devraient continuer de faire, si j'en étais cru. Mais il y a des livres entiers faits sur cet argument. Fin du chapitre 49.